Dossier Bien vieillir à Château-Gontier-Bazouges, pages 11 à 15. Ce dossier est illustré d'une photo montrant un homme âgé et un jeune garçon observant des épis de blé dans un champ. Bien vieillir. Cette préoccupation est de plus en plus partagée par la population. Avec une espérance de vie qui va en augmentant, de nouvelles problématiques se posent aux personnes, à leurs familles, mais aussi aux services publics. Bien vieillir à Château-Gontier-Bazouges. Cet article est illustré par une photo de couple qui danse lors du repas des aînés. Ceux que l'on appelle aujourd'hui plus communément les seniors, qui ont 65 ans et plus, tiennent une place importante dans nos sociétés. À Château-Gontier, ils représentent environ 24% de la population globale. Comme au niveau national, la tendance est à l'augmentation de la proportion des seniors. Cette évolution démographique engendre de nombreuses conséquences, car il s'agit d'un nouveau public avec de nouveaux besoins très diversifiés. Offre de services adaptés, offres culturelles et associatives, prise en compte des questions de dépendance et de vieillissement dans les politiques publiques. Les enjeux du vieillissement et de la dépendance nous concernent tous. Comment accompagner les personnes ne pouvant plus se prendre en charge seules? Comment lutter contre l'isolement? Ou tout simplement, comment bien vieillir dans notre ville? Quelques chiffres. 24% des habitants de Château-Gontier-Bazouges sont âgés de 65 ans ou plus. 631 bénéficiaires du CCAS en 2014, dont 619 bénéficiaires de la politique de maintien à domicile à Château-Gontier-Bazouges. Entre 40 et 50 repas portés quotidiennement à domicile par les services de la ville. Plus de 2 millions d'euros consacrés chaque année par la ville aux services accompagnant les personnes âgées et ou dépendantes. La ville au service des seniors. Il existe de nombreux services dédiés aux seniors et aux personnes en situation de dépendance. Ces services sont regroupés au sein du CCAS, Centre communal d'action sociale, situé à la mairie annexe, secteur de Bazouges. Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Cette définition légale du CCAS rappelle que celui-ci n'est pas qu'un bureau d'aide sociale, que son action peut aller au-delà de l'attribution de secours. Ses partenaires sont multiples. Le CCAS ne travaille pas de façon isolée, ce qui nécessite de la concertation. La population pour laquelle il intervient est large et non limitée aux personnes les plus en difficulté. La loi de lutte contre les exclusions précise que le CCAS poursuit une politique destinée notamment à prévenir toutes les situations pouvant engendrer des exclusions. Par conséquent, dans cet objectif de prévention, le CCAS a toute légitimité à intervenir de façon globale et en amont des difficultés. La politique du CCAS a deux orientations principales. Le maintien à domicile, avec le service d'aide et d'accompagnement à domicile, SAAD, le service des soins infirmiers à domicile, SSIAD, et l'équipe mobile spécialisée d'accompagnement du Sud-Mayenne, EMSA, ainsi que l'action sociale, l'insertion et le logement. Bien entendu, ces différents services ne sont pas exclusivement réservés aux seniors, mais aux populations devant faire face à des situations nécessitant une intervention du CCAS. Chaque service s'adresse à des publics précis selon des critères définis. En matière de solidarité envers les populations vieillissantes, il est important de revenir sur les missions prises en charge en matière de maintien à domicile. Ce dernier offre aux personnes en perte d'autonomie et ou dépendantes la possibilité de continuer à vivre chez elles. Dans ce cadre, le Centre communal d'action sociale de la ville de Château-Gontier-Bazouges propose différents accompagnements pour les habitants du territoire. Cette notion de maintien à domicile est souvent primordiale pour les personnes âgées et leurs familles. Par ailleurs, le SSIAD de Château-Gontier porte l'équipe mobile spécialisée d'accompagnement du Sud-Mayenne, EMSA, en lien avec les SSIAD de Cossé-le-Vivien et Mélé-du-Maine. Cette offre de soins à domicile s'adresse aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une pathologie apparentée, diagnostiquées à un stade précoce ou modéré. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées progressent inexorablement avec l'âge. À partir de 85 ans, une femme sur quatre et un homme sur cinq sont touchés. Il s'agit donc d'un enjeu important pour la ville, dans le cadre de ses objectifs d'accompagnement des personnes dépendantes. Plus d'informations sur les services du CCAS sur le site ville.chateaugontier.fr ou auprès de la mairie annexe au 02 43 09 55 43. Hospitalisation à domicile. Cet article est illustré d'une photo montrant une infirmière aidant un homme âgé qui marche avec un déambulateur à rejoindre son fauteuil. Le centre hospitalier du Haut-Anjou propose un mode d'hospitalisation à part entière, l'hospitalisation à domicile, HAD. Cette structure HAD est une alternative à l'hospitalisation traditionnelle. Elle permet d'assurer pour une durée limitée et révisable selon l'évolution de l'état de santé du patient, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés au domicile des patients. Comme tout service d'hospitalisation, ce service est soumis aux obligations de continuité des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sa capacité d'accueil est de 11 places pour le territoire du Sud-Mayenne et du Segréen. Source www.ch-autanjou.fr. Lutter contre l'isolement, focus sur le réseau Visite Amitié. Le réseau Visite Amitié est un réseau de bénévoles visant à rompre l'isolement, à maintenir ou à créer des liens sociaux pour les personnes âgées domiciliées à Château-Gontier-Bazouges. Il s'agit d'un moyen d'échanger, de faire des rencontres et de partager des moments conviviaux. Il vient en complément des services d'aide à la personne proposés par le CCAS. Ainsi, de nombreuses animations sont proposées aux personnes visitées et aux usagers des différents services du CCAS. Des sorties, des goûters, une bûche de Noël. Qui peut devenir bénévole? Tout le monde. Pour cela, quelques qualités sont requises. La disponibilité, la discrétion et le respect des autres. Ensuite, il suffit de donner un peu de son temps. Des rencontres régulières entre le CCAS et l'ensemble des bénévoles permettent de les soutenir dans leur action de bénévolat. Vous souhaitez partager du temps avec les autres? Vous êtes disponible? Rejoignez le réseau Visite Amitié. Plus d'informations au 02 43 09 55 43.